plus tard sous les échafaudages. Les draps ont glissé jusqu'à terre. Un sein menu dans chaque main. Nos réflexes ne servent à rien. Le bourdonnement incessant des hommes, absorbés, tête nue, et par-dessus ton rire. Nos éclats sous un sommeil de plomb. Les liaisons qui se perdent. Tu n'es pas un coureur de fond. Les raccordements à coups de réseaux sociaux en résonnent par l'absurde. Plus loin, les Appalaches, l'immensité des espaces. On n'est pas arrivé au Far West. Je voudrais bien encore une rasade puisqu'on déborde. Trop étroite la robe, me pendre à ton cou plutôt crevé. Un dimanche, l'amour, ça remonte jusque dans la gorge. Boire le sel de la peau à petits coups de langue, creuser des lacs, rien à la surface, pas un signal. La connexion est interrompue. Le bleu comme Osiris finit toujours par se noyer. C'est comme ça, tu crois, qu'on file à l'anglaise? Comme l'oiseau traverse le ciel, aussi vite qu'une flèche.